J'aimerais vivre dans un grand pays où les catastrophes seraient interdites. J'aimerais vivre dans un grand pays avec des livres de poche et des gros taxis. J'aimerais vivre, dans un grand pays où les frontières serait bien enfoui. J'aimerais vivre dans un grand pays où les interdits seraient interdits. J'aimerais vivre dans un grand pays où les un grand pays où les signes de vie seraient bien compris.